Général d'Abira na Brazza. Vanga, site premier, Mireille Kento, Dalida, Kiadal, Gabi Otudi, GG Mayoyo, commandant Bonabo, très fort, Alain Pai. Oh, Mugamba. Chima, colo, ma belle, idéologie, motiva l'idéologie. Sergio Alas, Ziki Dogo. Colela la